Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis deux choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux, puis des pommes de terre. Je suis un navet vert, je pousse sur terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue tutu, je veux être mangée. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, pousse, pousse, les beaux gros légumes. Pousse, pousse, pousse, de plus en plus gros. Miam, miam, miam, les beaux gros légumes. Miam, miam, miam, j'ai hâte d'en manger. Je suis un oignon, gnon, gnon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour pour on me déterre. Je suis un concombre, concombre, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis une pomme de terre, terre, terre, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis un chou, fleur, fleur, fleur, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, pousse, pousse, les beaux gros légumes. Pousse, pousse, pousse, de plus en plus gros. Miam, miam, miam, les beaux gros légumes. Miam, miam, miam, j'ai hâte d'en manger. Je suis une carotte, rotte, rotte, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour pour on me déterre. Je suis un maïs, is, is, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis un poireau, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une tomate, mate, mate, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, pousse, pousse, les beaux gros légumes. Pousse, pousse, pousse, de plus en plus gros. Miam, miam, miam, les beaux gros légumes. Miam, miam, miam, j'ai hâte d'en manger.